بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 76 لسان. قال في سؤال الواحد بعد 500 76 كيستيون. من هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر ماله وولده؟ Qui est celui pour qui le Prophète صلى الله عليه وسلم a invoqué qu'il ait beaucoup d'enfants et beaucoup de biens? Il s'agit de Anas ibn Malik, qui était son serviteur, comme vous le savez. Comme dans le hadith de Umm Sulaym, qui était sa mère, qui était la femme de Abu Talha. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. والحديث متفق عليه. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a dit: Ô Allah, multiplie ses biens et ses enfants et mets-lui la baraka dans ce que tu lui as donné. Il était rapporté que Anas ibn Malik a eu plus de 100 enfants. Et quand on dit 100 enfants, ce n'est pas directement de lui, mais entre ses enfants et ses petits-enfants. Et déjà, pour arriver à ce nombre-là, ça montre qu'il a dû avoir beaucoup d'enfants déjà de lui-même. C'est sa progéniture directe. Radiallahu anhu. Thumma qala fi as-su'al ath-thani wa ba'd al-khamsimiyah. 62e question. Man huwa as-sahabi alladhi kallamahu Allah kifahan ba'd istishhadihi? Qui est le compagnon à qui Allah a parlé directement après qu'il soit fait tuer en martyr? Il s'agit de Abdullah ibn Amr ibn Haram Walid Jabir, le père de Jabir. Jabir, vous connaissez Jabir le Sahabi? Son père. Le père de Jabir. Et le dalil, c'est le hadith de Jabir lui-même, ibn Abdullah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب وكلم اباك كفاحا. Il lui dit que Allah n'a jamais parlé à personne sinon derrière un voile, mais qu'il a parlé à ton père directement, c'est-à-dire après sa mort il lui a parlé directement, car son père a voulu revenir dans la dunya pour combattre et se faire tuer à nouveau, et que cela ne lui a pas été accordé, car il n'est pas possible de revenir après avoir être décédé. Non. Et d'ailleurs, il est également celui qui était déterré par son fils Jabir, car son père avait été enterré avec un autre Sahabi, dans une même tombe, car il était mort en Shuhada, à Uhud. Donc ils ont été enterrés à deux. Et Jabir ne se sentait pas bien d'avoir son père enterré dans une tombe avec un autre homme. Donc il est parti pour le déterrer. Je pense que c'est six mois après, si je ne me trompe pas. Et en le déterrant, il a trouvé son père intact. Son corps était intact, parmi les miracles. Cependant, ce fait-là n'est pas à prendre comme étant un dalil disant que le martyr, le shahid, d'accord, que la terre ne le mange pas. Là-dessus, il n'y a pas de preuve. Ça, c'est une chose qui est, à la base, on a dit là pour les prophètes seulement. Quant au shuhada, on n'a pas de preuve qu'il se peut qu'une personne demain soit morte en shahid et qu'après son corps soit consommé par la terre. Mais c'est un miracle accordé à ses aouliens. Allah, il accorde à qui il veut. Allah Azzawajal, il accorde à qui il veut. Et comme vous le savez, cela est arrivé à Damaj, d'accord? Comme moi, j'ai vu de mes propres yeux, et nous étions très nombreux, un an et demi après les conflits qui ont eu lieu à Damaj, un frère a vu en rêve un des frères qui avait été tué avec le visage à moitié abîmé, lui faisant part d'une plainte que leur tombe était en train d'être endommagée. Donc le frère s'est réveillé et ce rêve-là, ça l'a travaillé. Il est parti directement voir au cimetière qu'est-ce qui se passait, ce frère qui a vu le rêve. Et en arrivant, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu des pluies auparavant et qui font que les égouts se déversaient autour de la tombe, autour des tombes et allaient rentrer dans les tombes. Donc ils se sont dit, il faut les déterrer, il faut les enlever, il faut les déplacer. Donc de là, ils ont commencé à déterrer des corps pour les placer ailleurs. Et de là, subhanallah, des choses incroyables ont été vues. Des corps qui ont été retrouvés intacts. Des corps qui ont été retrouvés ensanglantés. Le sang coulait encore. Et ces corps ont été déplacés ailleurs. En ce qui me concerne moi-même, Khalil qui vous parle,

al-Ghaffari. Abu Dharr al-Ghaffari. Comme dans le hadith de Abi Dharr, قال أمرني خليلي بالصبر وذكر منها وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا كأبو ذر il a dit que mon Khalil m'a ordonné cette chose et parmi elles il a cité le fait que je ne dise la vérité que je dois dire la vérité même si elle est amère apporté par Ahmed et ce hadith là est un hadith qui est immense azim et qui est très très peu appliqué que les gens ont tendance à fuir devant le fait d'assumer de dire la vérité. Mais le problème le plus grave n'est pas qu'il ne puisse dire la vérité, car des fois la vérité elle est lourde. La vérité à dire elle est lourde, c'est une réalité. Mais comme l'a construit notre cheikh, il a dit si tu ne peux pas dire la vérité, alors au minimum ne t'y oppose pas lorsqu'elle est dite. Au minimum ne t'y oppose pas lorsqu'elle est dite, car des gens malheureusement n'arrivent pas à dire la vérité et ne veulent pas qu'elle soit propagée et s'opposent lorsqu'elle est dite. Ça, c'est la pire des choses. Donc on dit, si tu es faible, que tu vois que tu ne pourras pas supporter, affronter, de prononcer cette vérité, alors si d'autres le disent, la prononcent, au minimum, ne leur fais pas obstacle. Laisse-les parler. Ne t'oppose pas à eux. Et si tu peux les soutenir, soutiens-les. À la base, c'est obligatoire. Mais au minimum, ne t'y oppose pas et ne combat pas cette vérité. Et ça, c'est un conseil très important pour nos frères. Tu ne peux pas dire la vérité, au minimum, ne t'y oppose pas et ne la combat pas. Non. بعد القدر بيد القدر نكتفي وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك